بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة نوح سورة نوح عليه السلام في المسألة الحادية بعد المئتين دوسونتيام مسألة في قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Lorsque Noé dit à son Seigneur que si jamais tu les laisses, c'est-à-dire les mécréants, ils égareront tes serviteurs et ne mettront au monde que des pervers mécréants. Verset 27. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام عالم بما يسير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل ولادتهم وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وكقول نوح نفسه كما ذكره الله عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Donc ce noble verset nous prouve que Nuh alayhi salam savait ce qui allait en advenir des enfants des enfants comme perversion et comme mécréance avant qu'ils ne naissent. Comme le dit le verset. Et deux versets sont venus montrer que l'invisible, les choses qui touchent au futur à l'invisible, nul ne les connaît, ce n'est Allah Azzawajal. Comme dans le sens où il dit, nul ne connaît parmi ceux qui sont dans les cieux et la terre, l'invisible, ce n'est Allah Azzawajal. Surat Naml, Fourmi, verset 65. Et la propre parole de Nour, lui-même, lorsqu'il dit, parce que Allah cite à son sujet dans Surat Hud, il dit, et je ne vous dis pas que je possède les secrets d'Allah Azzawajal. Et je ne connais pas l'invisible. Je ne connais pas l'invisible. Ou plutôt, je ne détiens pas les réserves d'Allah Azzawajal. Je ne connais pas l'invisible. C'est-à-dire, khaza'in, on est par rapport au risque, à la subsistance. Que ce n'est pas lui qui l'attribue et qui ne connaît pas l'invisible. Surat Hud, verset 31. Qala al-mu'allif wal-jawabu an hadha zahirun. Wa huwa annahu 'alima bi wahyi min Allah anna قومه لا يؤمن منهم أحد إلا من آمن كما بينه بقوله تعالى وأوحي إلي نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Donc la réponse tout simplement c'est que Nuh a su cela par la révélation d'Allah Azza wa Jal, ce que Allah lui a révélé lorsqu'il lui a dit que personne parmi son peuple ne croira à part ceux qui ont déjà cru qu'ils sont avec lui. Comme dans le sens où il dit, et qu'il a été révélé à Nour, que personne ne croira parmi ton peuple à part ceux qui ont déjà cru, qui sont déjà croyants alors qu'il est. Sourate Hud, verset 36. Donc voici la réponse, c'est que Nour, alayhi salam, savait cela déjà par son Seigneur. Donc, cela ne contredit pas les versets que personne ne connaît le sort des gens et l'avenir, ce n'est Allah, azawajal. Walhamdulillah, rabbil alamin.